conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, y a-t-il une métaphysique du vélo ? Les gens qui n'aiment pas le vélo nous ennuient même quand ils n'en parlent pas, a écrit Michel Audiard. À tort ou à raison, chacun le dira à partir de sa propre expérience. À tout le moins, il semble avéré que les gens passionnés de vélo sont souvent eux-mêmes passionnants. C'est pourquoi la conversation scientifique, soucieuse d'honorer la réputation qu'elle a d'aimer les courts-circuits et le mélange des genres, a choisi d'interroger les liens qu'il y a ou qu'il n'y a pas entre le cyclisme et la littérature. D'où vient que tant d'écrivains se soient noués au vélo dans une course à fleur de peau ? Le cyclisme serait-il une province naturelle de la littérature ? Existerait-il une façon vélocipédique d'écrire ? Et puis il y a cette autre question encore plus fondamentale. N'y aurait-il pas carrément une métaphysique du vélo ? Si oui, ce que nous pensons a priori très fort, en quoi consiste-t-elle cette métaphysique ? Et qu'en reste-t-il ? Se pourrait-il qu'elle soit aujourd'hui carrément morte ? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le grand plaisir de recevoir Philippe Bordaz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, vous êtes cycliste amateur forcené. Vous avez d'ailleurs écrit il y a quelques années un livre intitulé « Forcené au pluriel » chez Fayard et depuis d'autres livres, notamment « Chant furieux » et « Le célibataire absolu » paru chez Gallimard. Vous écrivez vélo, vous le dites vous-même. Et la question que je voudrais vous poser d'emblée, c'est est-ce que vous parlez vélo ? C'est-à-dire, est-ce que vous pratiquez l'argot des cyclistes ? Et pour le savoir, plutôt que de vous demander de répondre par oui ou par non, je vais vous faire subir un test. Que veut dire avoir de la laine sous les ongles ? Ça veut dire, quand on est un sprinter, rester dans la roue d'un gars plus fort et au moment du sprint, s'accrocher à lui pour se propulser et garder un peu de la laine du maillot de l'autre. Fumer la pipe. C'est rouler tranquillement, comme Jacques Tati, sans forcer dans le sillage des autres. Faire de l'huile. C'est couler une bielle et abandonner. Faire une sortie d'hôtel. Ça, je sais pas. Bah, ça veut dire attaquer d'emblée, dès la sortie de l'hôtel. Ah, c'est bien. Bravo. Un braquet asthmatique. Ça, c'est facile. Bon, c'est rouler sur une toute petite vitesse. Pédaler avec les oreilles. Ça, c'est rouler sans esthétique, en bougeant les épaules, la tête et accessoirement les oreilles qui sont connectées à la tête. Saler la soupe. Se doper. Mettre un siffleur. Monter sur le vélo un boyau léger en soie qui siffle quand on démarre. Alors, j'ai gardé cette expression, Philippe Bordaz, parce que à vous lire, j'ai compris que vous étiez, passez-moi l'expression, obsédé par la légèreté, au point que vous fabriquez vous-même vos vélos. Oui, oui. Qu'ils soient les plus légers possibles. Vous êtes au gramme près. Oui, voilà. Et est-ce que ça se sent, quand on pédale, d'être sur des vélos beaucoup plus légers ? Oui, parce que il n'y a pas d'inertie. Et c'est surtout en côte, le vélo a une capacité à démarrer qui est proche de celle de l'oiseau. Et on a l'impression d'esquiver son propre poids. Le corps déjà du cycliste qui est au gramme près se doit d'être au gramme près. C'est pas la peine de faire un vélo léger si on a 10 kilos de trop. Mais c'est le plaisir du démarrage et la sensation de s'élever avec moins d'effort. Mais il y a aussi, plus le vélo est léger, il y a un effet placebo. On a l'impression d'avoir une arme surnaturelle entre les jambes. C'est un dopage psychologique ? Voilà, tout à fait. C'est un dopage mécanique mentalisé. Oui, mais en descente, c'est dangereux, paraît-il, d'avoir un vélo trop léger. Et d'ailleurs, certains coureurs dont vous parlez dans Forcené, notamment Luis Ocaña, est tombé gravement dans un col parce que son vélo était trop léger. Ça, c'est la légende icarienne de l'homme qui défie les dieux et qui le paye. Ocaña, il avait un vélo trop léger, mais c'est surtout qu'il était mal dessiné. La fourche était trop droite. Et moi, j'ai des vélos ultra légers qui sont extrêmement rigides. Et si les pneus, les boyaux sont assez larges, vous pouvez descendre. Mais c'est vrai que c'est moins confortable. Vous avez grandi à Sarcelles, Philippe Bordaz, au nord de Paris. Vous roulez aujourd'hui, d'après ce que j'ai pu savoir, 16 000 km par an. Environ. C'est bien ça. Et comment est-ce que vous êtes arrivé au vélo ? Est-ce qu'on fait beaucoup de vélo à Sarcelles ? Non, à Sarcelles, à l'époque, c'était une ville nouvelle qui venait d'être construite. sur les ordres du général de Gaulle, qui avait survolé en hélicoptère toutes les banlieues françaises et avait trouvé ça bordélique et immonde. Et il avait demandé à des ingénieurs et son ministre de l'ouvrier de nettoyer tout ça. Donc ils ont fait une ville rectiligne, entièrement plate. Et le truc étrange, c'est que moi, j'avais pas vraiment de contact avec le vélo. Et un jour, j'ai un ami de mon père qui m'a offert la fabuleuse histoire du cyclisme de Pierre Chagny, et où j'ai carrément découvert le vélo, et même les paysages français, les montagnes, l'exceptionnelle diversité des reliefs. Donc, dans une ville plate, j'ai eu l'amour du vélo, alors que c'était le foot qui était imposé, et l'espoir de la montagne. Est-ce que vous êtes arrivé à l'écriture par le même chemin qui vous a mené au vélo? Parce que vous dites, le vélo vous a aidé à devenir écrivain. Est-ce que pour vous, ces deux activités sont liées? On connaît des cyclistes qui sont pas écrivains, on connaît des écrivains qui sont pas cyclistes, donc il n'y a pas une corrélation stricte. Non, en fait, c'est l'histoire d'un ratage primordial. C'est-à-dire que j'espérais être coureur cycliste, j'ai vu assez vite que j'avais pas le niveau. Ayant raté la carrière cycliste, j'ai fait des études supérieures en lettres, en hippocagne et cagne. Je m'en suis enfui assez vite pour essayer de reprendre les courses, mais j'avais pas le niveau. Vous avez séché un examen ou un concours plutôt pour aller disputer une course cycliste. Ouais, voilà, c'était ça. La réciproque est beaucoup plus rare. Et vous dites que à l'époque, les premiers de la classe, dans le milieu où vous étiez, étaient de la chair à CAP. Alors qu'est-ce qui a fait que vous avez échappé à ce type d'études et que vous avez tenté? Non, mais voyant que de toute façon, même si moi j'étais très bon en classe sauf en maths, j'avais les meilleures notes dans les matières littéraires, histoire, philo, tout ça, mais ça changeait rien. On m'avait mis en CAP céramiste. J'ai dit tant qu'à faire, je m'étais inscrit à l'école des instituteurs de Corrèze parce que c'est le pays de ma famille et ça grimpe. Et moi j'étais bon grimpeur. Je me suis dit, je vais reprendre ma carrière là-bas. Peut-être que j'aurai une chance de passer pro. Et sur le quai de la gare, ma prof de philo me voit avec le vélo et un sac à Didas, me dit, vous allez où, Bordas? Bah, je lui dis, je vais préparer normal. Et elle comprend pas trop, et elle réalise que je vais aller en Corrèze. Mais elle me dit, il faut préparer normal sup. Et là, elle sort un mot que je n'avais jamais entendu, qui est hippocagne. Et je me suis retrouvé en survêtement avec mon vélo de course dans ma chambre, en hippocagne, peu après. Mais le truc qui se passe, c'est que j'avais l'espoir de devenir écrivain, comme j'avais eu l'espoir de devenir cycliste. Et c'est toute une part de vie qui s'agrège et on n'en voit pas le bout. Mais quand on fait les études supérieures de lettres et qu'on se demande si on va écrire, on se voit tout de suite des modèles énormes de Proust, Joyce, des trucs intouchables dont on n'est pas capable. Et arrivé à la quarantaine, j'avais toujours rien publié. Et à un moment, j'ai senti qu'il fallait que je me remette en condition. J'ai repris le vélo de façon énorme à 39 ans. Et au lieu d'écrire un grand roman total dont j'étais pas capable, j'ai commencé à faire un petit répertoire, un abécédaire de mes figures d'enfance de cycliste. J'ai commencé par Anquetil à la lettre A. Et d'un seul coup, au lieu d'écrire le pseudo chef-d'œuvre que je savais pas écrire, il y a une écriture assez nerveuse qui m'est sortie naturellement et ça a été forcené. Mais je n'ai pu écrire forcené que parce que j'avais fait une préparation cycliste énorme avec des coureurs première catégorie et que j'avais recompris de l'intérieur ce que c'était que la force physique du vélo. Et surtout, j'avais retrouvé une rythmique naturelle de mon corps qui n'était pas la rythmique intellectuelle des classes prépa où il y a une dissociation complète entre la psyché et le mental et le muscle. Et d'un seul coup, étant prêt physiquement, j'avais quand même un assez bon niveau. J'ai écrit le livre sur l'élan sportif. Bah, ça sent, hein, Philippe Bordas. Vous faites dans ce livre des portraits de champions cyclistes que vous avez admirés ou que vous admirez encore. Même s'il y en a moins aujourd'hui qu'il y en a dans le passé, j'ai l'impression. Ouais, bah ouais. Mais on ne peut pas écrire ce que vous écrivez sur eux sans pratiquer le vélo à haute cadence comme vous le faites. Notamment, vous insistez sur ce que vous appelez l'onctuosité du geste, le style des cyclistes. On a l'impression quand on est assis sur un vélo, que toutes les postures sont équivalentes. Et vous montrez qu'il y a autant de styles que de coureurs. Alors c'est quoi le style d'un coureur sur son vélo? Je parle simplement de la posture, pas de la stratégie, de la tactique. Non, quand vous montez sur le vélo, quand vous n'en faites pas souvent, vous essayez de rester bien droit pour être dans le confort qui correspondrait à celui d'un fauteuil. Sauf que là, vous n'êtes pas aérodynamique. Donc déjà, sur le vélo, il faut être complètement couché, il faut aller dans le sens du vent. Et il y a trois points d'appui, le corps est en suspension sur les mains sur les cocottes de frein, le guidon, les fesses sur la selle et les pieds sur les pédales. Donc il faut qu'il y ait une répartition de ces trois points d'appui. Et surtout ensuite, il faut que le pédalage, qui est une poussée et une tirée, on remonte la pédale et on la pousse, il faut que ces gestes-là soient équivalents et soient dans une harmonie régulée, totalement réussie. Et ensuite, c'est extrêmement difficile, il faut avoir les bras coudés, il faut avoir la nuque à ras du guidon. Tout ça, ça prend des jours et des années. Mais ensuite, il faut, dans la vitesse, aller très très vite en ayant une position artificielle qui serait celle de l'oiseau alors qu'on est un mammifère. C'est pas un sport naturel, même si on peut trouver de la grâce dans le geste de ceux qui le pratiquent. Voilà, et les plus grands cyclistes, quand on retrouve les documents ou qu'on voit les photos, je pense à Jacques Anquetil ou à Fausto Coppi, instantanément, il y a une signature physique. C'est comme au tennis, on voit tout de suite que Connors, c'est pas McEnroe. Mais au vélo, c'est encore plus particulier, parce que chaque vélo est même préparé avec des incidentes différentes. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une sorte d'outil talismanique. Et chaque coureur met une préparation secrète dans le vélo. C'est pas d'avoir des moteurs ou des trucages, mais c'est plutôt qu'il a des équations de position très particulières, des largeurs de pneus très particulières. Enfin, tous les paramètres rentrent en compte. Mais ce qui est beau, c'est que c'est pas purement des stratagèmes mécaniques comme dans la Formule 1. Tout est lié à la corrélation au corps, c'est-à-dire que toutes ces petites adjonctions doivent être incorporées à la cinétique du corps. On a l'impression, quand on vous lit, Philippe Bordas, que à la fois vous êtes passionné de cyclisme et en même temps en deuil. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui est mort, alors je ne sais pas très bien quand, il faudra que vous nous l'expliquiez. D'où ma question, est-ce qu'il vous arrive encore de regarder le Tour de France ? Je regarde un peu le Tour de France, je regarde la fin des étapes, je n'y crois plus du tout et ce que je vois ne m'intéresse pas énormément, il y a toujours des choses spectaculaires à voir dans la montagne. Je le regarde par vice, comme un interdit de casino met une fausse moustache et un postiche pour retourner jouer à la roulette, ou un gars qui veut retourner voir des mauvaises actions dans des théâtres porno, je ne sais pas. C'est un truc obscène, parce que ce que je vois aujourd'hui à la télévision est obscène, mais je ne peux pas m'empêcher de le regarder. Vous dites que c'est un monde factice. Totalement, oui, non. Aujourd'hui, le vélo qui a été une régénérescence totalement extraordinaire pour le petit peuple de France et d'Europe, ça a été un moyen d'expression pour les déclassés ouvriers et paysans. Aujourd'hui, le vélo est un banc d'expérimentation, non plus pour les classes des gens souffrants, les petites gens. C'est un réservoir pour les industries mécaniques, les industries pharmaceutiques, pour tester sur des humains d'extrême qualité des nouveaux produits. À la fois sur des microsystèmes d'entraînement du vélo totalement invisibles et ensuite des systèmes, des équations génétiques qu'on a envie de tester sur un cycliste, parce que si ça marche sur des corps aussi exceptionnels, on peut avoir une application pour le grand public. Vous qualifiez votre mélancolie actuelle de poulidoriste. Ça veut dire quoi ? C'est que vous préférez ceux qui se terminent C'est le désastre à la française. On préfère perdre avec grand cœur que gagner avec des mauvais adjuvants ou des mauvaises compagnies. Mais vous avez donné une interview au journal Le Temps en 2023, après le Tour de France, qui a été remporté par Vingegaard, et vous dites qu'il n'a pas gagné le Tour de France. Et vous avez des formules assez terribles. Vous dites « il pédale en portant sur ses épaules toute la tristesse du monastère ». Vous dites, à propos de Armstrong, qu'il est arrivé en barbare dans le musée du Louvre, etc. Oui, alors en fait, il y a une chose très intéressante, c'est que on va rentrer dans le sujet. Pourquoi le cyclisme est lié à la littérature ? Depuis le départ, le Tour de France a été inventé pour faire un spectacle par un journal. Hein, c'était Henri Desgranges qui a inventé ça. Mais tout de suite, il a fallu, pour faire du chiffre, parce que c'est d'abord un spectacle, le vélo, un spectacle maximaliste. Mais on a gagné beaucoup d'argent en faisant faire des choses énormes aux cyclistes. Et j'ai perdu le fil de ma pensée, là. La question, c'est expliquer pourquoi Vingegaard n'a pas gagné le Tour de France alors qu'il l'a gagné. Et je parlais de mélancolie poulidoriste, et vous parliez du fait que le statut du coureur a changé complètement. Au départ, c'était des gens de la campagne, des paysans. Il y avait un spectacle promu par Pierre Desgranges. C'est Henri Desgranges, au départ. C'était un spectacle. Et ça l'est toujours, d'une certaine façon. Oui. Alors, l'expression à propos des coureurs cyclistes, notamment ceux qui font le Tour de France, c'est les forçats de la route. Et vous racontez dans votre livre une histoire bien connue, c'est Albert Londres, je crois, qui a inventé cette expression en écoutant le dialogue qu'ont eu les frères Pélissier en je ne sais plus quelle année quand ils ont abandonné. Ouais, c'était peut-être en 24, je ne sais plus exactement. Il y avait Henri et Francis. Alors Henri dit, vous n'avez pas idée. Charles, Henri et Francis, oui. Voilà, Henri et Francis. Henri dit, vous n'avez pas idée de ce qu'est le Tour de France. Et encore, le chemin de croix n'avait que 14 stations, tandis que le nôtre en compte 15. Nous souffrons du départ à l'arrivée. Il sort une fiole de son sac. Ça, c'est de la cocaïne pour les yeux et ça, c'est du chloroforme pour les gencives. Bref, dit Francis, c'est l'autre, nous marchons à la dynamite. La boue ôtée, nous sommes blancs comme des linges, reprend Henri. La diarrhée nous vide, le soir dans notre chambre, on danse la gigue comme Saint-Guy au lieu de dormir. Francis lâche ses phrases de plomb qui deviendront jusqu'au décès, et la viande de notre corps ne tient plus à notre squelette. Et les ongles des pieds, j'en perds 6 sur 10, ils tombent petit à petit à chaque étape, mais ils renaissent pour l'année suivante. Ce que nous ne ferions pas faire à des mulets, nous le faisons. On n'est pas des fainéants, emporte l'aîné, mais au nom de Dieu, qu'on ne nous embête pas. Nous acceptons le tourment, mais nous ne voulons pas de vexation. Je m'appelle Pélissier et non Azor. Voilà, c'est magnifique. Et ça, c'est ce que je voulais dire auparavant. Excusez-moi, j'ai eu un petit trou. C'est qu'en fait, les cyclistes eux-mêmes étaient des producteurs littéraires. Et dès le départ, le Tour de France a été une aventure littéraire. Même si ce n'était pas des écrivains au départ, c'était, comment il s'appelle, Maurice Barrès. Mais c'était quand même ce type de journaliste qui écrivait sur le cyclisme. C'était aussi la façon, au tout départ, de lier le cyclisme à la découverte de la géographie. Les gens n'avaient jamais vu la France, les magazines montraient des photos. Et les cyclistes étaient liés à la légende qu'allaient en faire des grands écrivains. Et il y a eu une sorte de symbiose, de fiançailles incroyable entre tous les grands écrivains, depuis Mallarmé, Alfred Jarry, qui ont tout de suite senti que le vélo était quelque chose d'exceptionnel dans l'aventure humaine. Et peu à peu, les cyclistes sont devenus dépendants de la phrase écrite par les chroniqueurs pour savoir ce qu'ils avaient fait. Quand Jacques Anquetil faisait un exploit, le journaliste de la radio lui demandait « Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous pensez de votre exploit ?» Il disait « Je ne me rends pas compte de ce que j'ai fait, je verrai ce que dit Chani, le grand chroniqueur, demain dans l'équipe, et je vous dirai ce que ça vaut. » Et peu à peu, avec l'arrivée de la télévision et la diminution de la qualité des chroniqueurs cyclistes, parce qu'il faut voir les choses comme elles sont, ils ont tous fait l'école de journalisme, le CFJ, ils n'ont aucune expérience du vélo ni de la littérature, parce que c'est quand même ça le truc. Il fallait, pour être chroniqueur, avoir été ou champion ou écrivain, plus ou moins. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas un grand écrivain qui est accroché à dire votre exploit n'existe pas. Je vous donne un exemple. Alors, j'ai dit que Vingegaard est un fantôme, parce que personne ne peut écrire sur Vingegaard. C'est un Casper littéraire, il n'y a rien à dire. Mais par exemple, Miguel Indurain, on croit s'en souvenir, il a gagné 5 Tours de France. Il n'a produit aucun exploit mémorable. Et il n'a eu aucun écrivain mémorable à sa suite. Lui, il est fantomatisé d'emblée. Armstrong, lui, c'est éliminé par son dopage conséquent. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tout ce que vous voyez est déjà factice par la chimie et parfois les aides mécaniques. Moi, je retrouve de la beauté parce que je sais très bien, c'est très dur toujours ce que vous dites des frères Pélissier. Ça n'a pas changé dans le fond. C'est toujours un sport incroyablement difficile et magnifique à vivre. Et j'ai de l'admiration pour les coureurs qui continuent à s'accrocher malgré la cavalcade et la débauche des tricheries. Mais il n'y a plus d'écriture. Et tout s'efface. Sans écriture, il y a un effacement. Un petit mot sur cette expression, les forçats de la route. Est-ce que vous connaissez l'anagramme de le forçat endure? Non, pas du tout. Ben, c'est le Tour de France. Ah, bravo. Alors, vous expliquez, alors je ne sais plus si c'est dans votre livre ou ailleurs, qu'il y aurait un lien entre la mort de Dieu et l'avènement du cyclisme. Ah oui, alors c'est... Finalement, c'est Nietzsche qui a inventé le cyclisme. En fait, il faut revenir au début. Les premiers vélos sont construits au milieu du 19e siècle. Bon, c'est des petites ébauches. Mais tout ça commence après la Commune de Paris. Qu'est-ce que c'est que la Commune de Paris? C'est la dernière des révolutions après 1830-1848. C'est l'écrasement définitif du petit peuple français, donc la confiscation du peuple roi de la Révolution. La grande promesse de 89 est balayée. Vous avez toute une masse de gens, de Parisiens, dans toutes les provinces de France, d'hommes très pauvres. des exclus, des ouvriers, qui hésitent, qui ne savent pas quoi faire. S'ils vont faire de la poésie, s'ils vont faire de l'anarchisme, poser des bombes. Ce sont des traînards, c'est Rimbaud. C'est Rimbaud. Les frères Pélissier, pourquoi j'en parle ? Ce sont des gars, ce sont des géants extrêmement violents et rustres qui auraient pu être des anarchistes à l'époque des attentats. Et il faut voir les dates. 1882, le gai savoir de Nietzsche. Le personnage dans le livre qui s'appelle l'insensé, qui en étymologie pure va peut correspondre à forcené, dit « Dieu est mort ». Dieu est mort, donc quelque part... Qui va porter la dose du sacré dans cette société non religieuse ? Ça va être des cyclistes qui vont accomplir des actions surnaturelles. Pourquoi surnaturelles ? Donc 1882, le gai savoir. 1888, Nietzsche lui explose, il devient fou. Mais 1891, Paris-Brest-Paris, des courses qu'on n'a jamais vues qui font 1200 km. Qui peut faire 1200 km avec des vélos préhistoriques ? Paris-Roubaix, et d'un seul coup, il se passe une chose, c'est que le peuple réalise qu'il peut jouer un destin de haut niveau, récupérer la grandeur aristocratique que lui a volée la bourgeoisie avec la Révolution, les trois matages, et le dernier, celui de la Commune étant le pire, le petit peuple s'imagine une possibilité de rehausse. Comment ça va se passer symboliquement ? Un, en faisant des efforts de surhumanité pour montrer qu'on est d'une classe sociale qui ne craint rien, parce que ce n'est pas des sportsmen comme le football où c'est des bourgeois, des aristocrates qui jouent le vélo, c'est vraiment des paysans et des prolétaires. Et donc, première chose, ils vont essayer de montrer qu'ils ont une surnature. Et deuxième chose, je parle de vélo comme d'un objet talismanique, mais avant le vélo, qu'est-ce qui définit l'aristocratie ? Et la grandeur talismanique, c'est le cheval. Donc, le vélo devient le cheval du pauvre. Voilà. Et il y a une sorte de... Philippe Bordas, dans ce que vous dites, on a l'impression que le cyclisme, c'est une sorte de défi nihiliste aussi. Il n'y a plus de Dieu, il faut combler le vide par l'exploit. Par le maximalisme. Et ce maximalisme est lié au nihilisme. D'ailleurs, ces premières courses sont tellement extravagantes, défient l'esprit humain et donnent une idée dégénérée et caricaturale de la surnature et du sacré. C'est Alfred Jarry qui s'y intéresse plus que tout le monde, qui fait du vélo lui-même, qui écrit « La passion du Christ considérée comme course de côte », qui écrit « Le surmal », qui est une sorte d'œuvre littéraire liée au cyclisme. Mallarmé, complètement fasciné par le cyclisme, il voit qu'il se joue quelque chose de nouveau. Donc dès le départ, les écrivains ne voient pas du tout le cyclisme comme un sport de loisir. Ce n'est pas un truc de sportsman. C'est un événement qui modifie... la structure humaine. Alors Mallarmé écrit, puisque vous en parlez, il écrit « L'être humain ne s'approche pas impunément d'un mécanisme et ne s'y mêle pas sans perte ». Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on perd quand on s'approche trop du vélo ? Bah déjà, on perd la pesanteur ancienne qui était celle du paysan, du porteur, du laboureur. On perd l'équilibre. On perd aussi une certaine quiétude parce qu'on arrive au bout de ses forces. On prend des risques d'évanouissement, des risques de chute. Allez-y. Voilà, donc, mais c'est une très très belle phrase. Mais ça nous montre que Mallarmé est le premier à s'intéresser à ça. Et Alfred Jarry. Et après, c'est toute une pléiade d'écrivains qui, plus ou moins bon, alors il y en a qui récupèrent ça comme une sous-littérature folklorique pour faire des romances classiques, mais ça va jusqu'à Louis-Ferdinand Céline, qui, pousse le lien entre le vélo comme machine et l'écriture elle-même, la poétique, de façon extravagante. On a parlé des frères Pélissier. C'est une fratrie de géants rustiques énormes, ils font tous 1m90. Le premier, le plus vieux, c'est Henri. Il est ultra nerveux, c'est un apache. Il faut voir les films Casque d'or, c'est un tueur. Sur le vélo, c'est un tueur, et même dans la vie. Et il est protégé par un autre grand frère, moins doué que lui, mais qui est très très méchant, qui s'appelle Charles, qui s'achète des knouts pour taper pendant les courses ceux qui s'approchent de son petit frère Henri, qui est le génie. Et la mère voit qu'elle a produit deux grossiers, elle se dit, il faut quand même que je rattrape ça. Elle accouche d'un troisième qui s'appelle Charles, qui est beaucoup plus beau. C'est un mix de Rudolph Valentino et de Johnny Westmiller. Lui, il gagne plein d'étapes et c'est un raffiné. Et en tant que raffiné, il lit le plus beau des raffinés prolétaires de cette époque-là, Voyage au bout de la nuit, 1932, Louis-Ferdinand Céline. Alors, tout va se clore dans la synthèse. Maintenant, écoutez-moi bien, parce que ses frères, ils ne se contentent pas des vélos normaux. Ils vont acheter des pièces en Italie qu'ils retravaillent. Ils repercent les vélos. Ils en font de la dentelle. Mais ils font comme vous. Voilà. Ils faisaient comme vous. Voilà. Les jantes, ils, en bois, ils les poncent pour gagner 10 grammes. Et quand ce raffiné de la fratrie décide d'honorer Céline, il monte sur la butte Montmartre pour offrir à Céline ce vélo ultra léger. Céline accroche le vélo au-dessus de son bureau. Tout ça est vrai. Hein, c'est vrai. Il lui donne un nom. Il l'appelle l'impondère, l'impondérable, donc le vélo léger. Et quand il est obligé de partir pour son incurie antisémite, il s'enfuit. Et quand il revient en France, il est déchaîné pour encore refaire une révolution littéraire. Il dit je vais crever le plafond une deuxième fois, je vais crever le plancher. Et il décide d'inventer son nouveau style, qui est un style tout en dentelle. Tout à fait aérien, émotif, comme il dit, mais c'est d'abord de la guipure. C'est complètement troué, il n'y a plus de phrases, tout est repercé. Et dans ce livre-là, qui s'appelle « Féerie pour une autre fois », il dit quelle est la matrice de son écriture, l'impondère. Et il fait un lien poétique, talismanique, entre cette machine et l'invention d'un style qui révolutionne la littérature française. Donc, ce vélo prolétaire, qui ne ressemblait à rien au tout début, qui s'est allégé, qui s'est raffiné, qui a été repercé comme une bijouterie, arrive dans les mains de Céline et se transmue en style. Mais ce vélo de Céline dont vous parlez, Philippe Bordas, il a été victime de son anagramme. Il a été volé. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire de vélo volé de Céline? Bah donc, quand, bah, on, maintenant que tous les manuscrits volés rue Girardon chez Céline sont ressortis et publiés par Gallimard depuis 2-3 ans, il faut savoir que le vélo avait été volé aussi. Donc là, on n'a aucune idée de l'endroit où le vélo a été volé. Alors, d'après vous, est-ce que le déclin de la langue va de pair avec le déclin du cyclisme? J'ai l'impression que vous pensez que oui. Vous dites qu'on a perdu dans les deux cas le sens de la monumentalité. Et pourtant, les cyclistes d'aujourd'hui font des exploits incroyables, atteignent des performances que personne n'avait pu imaginer. On est passé d'un cyclisme du surhomme à ce que vous appelez un cyclisme de la surforce, qui a éliminé le paysage. On a l'impression que qui pédale dans le Ventoux ou sur du plat, c'est quasiment la même dynamique. Oui, parce que le cyclisme a été non seulement une aventure sportive, mais géographique et didactique, parce que les paysans et les ouvriers n'avaient jamais eu les moyens de voir la France. Et au tout début, le Tour de France a été conçu pour refaire le tour exact des frontières les plus larges et surtout de l'Alsace-Lorraine récupérée. Donc c'était pour montrer que le Tour de France, politiquement, était le tour de la vraie France. Donc les gens ont vu la France. Et on leur a raconté la France, on leur a raconté les régions, et il y a eu tout un folklore littéraire sur tout ça qui a complètement disparu. Les cyclistes d'aujourd'hui viennent de nulle part. On est dans le monde de la middle class mondialisée, où ce sont des coureurs sans langage. Ils sont tous trilingues, mais ils parlent tous une langue totalement nue. Ils n'ont aucune expression. Et on a perdu, non seulement on n'a plus de grands chroniqueurs qui vont dire des grandes actions, mais même les coureurs eux-mêmes sont devenus translucides. Toute notre société devient translucide avec des gens qui ont un langage totalement stéréotypé, une perte de vocabulaire, qui n'ont plus de typification régionale de leur parler. Et non, aujourd'hui c'est... Mais Philippe Bordas, est-ce que ce que vous dites là s'appliquait à Coppi? Est-ce que Coppi avait un parler très, très spécifique? Vous dites de lui qu'il a achevé le cyclisme. Donc par cohérence avec vous-même, vous devez imaginer que c'est son parler qui notamment a disparu. Ça... Fausto Coppi, c'était surtout une... c'était pas tant son parler, c'était un gars assez timide. C'était surtout... il avait un phrasé. C'est-à-dire qu'il avait un phrasé... Les écrivains, c'est d'abord un rythme, c'est pas que des mots. La grande écriture, c'est une grande rythmique. Alors Coppi, il avait un truc rythmique absolument extraordinaire. Pour moi, c'est le style à l'état pur. C'est qu'il démarrait plusieurs fois avec des systèmes d'échelonnement de puissance dans la gradation, mais il faisait plusieurs démarrages, il a inventé plein de choses. Non, ce qui se passe surtout, le moment où il y a eu un décrochage entre le cyclisme et le langage, très étrangement, c'est encore un moment politique, c'est les années 83-84. Alors, ça va faire rire, c'est l'arrivée de Laurent Fabius, toutes ces choses-là, la trahison de la gauche. Bon. Mais c'est le moment où, en France, le dernier grand écrivain, c'est Pierre Michon, qui n'est absolument pas reconnu. Jusque-là, les grands écrivains comme ça avaient tout de suite tapis rouge. Là, Pierre Michon sort Les Vies minuscules, faut pas oublier ça, c'est une grande date littéraire. Il est accueilli par des spécialistes, mais il est même pas gardé par Gallimard. Il se retrouve aéré. Et, autre chose symbolique, le maillot jaune avait toujours des petites initiales brodées extraordinaires qui le liaient à l'écriture, qui était celle d'Henri Desgranges, qui était un grand écrivain. On découpe les initiales, on décroche les lettres, et donc à la place on met Crédit Lyonnais, vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça a été le moment de la décadence, ça a été le moment où au journal L'Équipe où j'étais, on a commencé à dire à Pierre Chani, qui était un génie de l'écriture, qui pouvait vous cracher 10 pages sans même voir la course. Moi j'étais avec lui, il voyait tout, il regardait les vélos le matin, on quittait le peloton une heure avant l'arrivée, et dans la salle de presse il commençait déjà à écrire, il savait ce qui allait se passer. Mais ce gars-là, au même moment où Michon est dans le déclin, au même moment où le peuple est berné par Mitterrand et Fabius, le cyclisme perd son expression. Donc le petit peuple n'a plus de politique, n'a plus les initiales du fondateur du sport qu'il aime le plus, et en plus, il n'a plus le grand chroniqueur, et les papiers rétrécissent. C'est-à-dire que moi j'ai été à L'Équipe, il fallait avoir des reins solides, il fallait sortir en une heure, il fallait écrire 4 pages en une heure, c'est un truc de fou. Et on arrivait à 8 pages en 2 heures. Et maintenant les papiers sont extrêmement courts. Alors pourquoi c'est antilittéraire ? C'est que le cyclisme est un système où il y a plusieurs actions coïncidentes et superposées. Donc il y a une narration à étage à opérer. C'est très complexe. C'est un vrai travail d'écrivain. Alors Philippe Bordas, votre livre s'appelle « Forcené ». Vous l'avez présenté tout à l'heure comme un abécédaire. Donc le premier chapitre, c'est Anquetil, évidemment. Et vous dites que Anquetil a voulu rénover le peloton comme on rénove la langue. Alors qu'est-ce qu'il a fait pour ça, Anquetil ? Alors, Anquetil a commencé sa carrière dans la fin des années 50, dans la fin des années 50, et c'était un petit garçon tout blanc, tout chétif. On voyait les veines sous ses yeux, ses jambes étaient toutes maigres, il était tout blanc, et il avait une sorte de génie instantané. Il a fait une première course où il a sauté aux yeux du monde. C'était le Grand Prix des Nations. C'était une course en solitaire dans la vallée de Chevreuse. Il a couvert 139 km à presque 40 km/h. Il avait 19 ans. Le deuxième, il avait 17 ans, et le deuxième a dû finir à 9 minutes. Et Anquetil, à cette époque-là, son père est un petit ramasseur de fraises. Il veut relever les chines, il veut pas être à genoux pour ramasser les fraises. Alors il s'invente une aristocratie. Il s'habille en noir avec des cols roulés noirs. Bon, on lui dit rien. Écoute, mon petit Jacques, là-bas au village, on n'est pas habillé comme ça. Si tu veux le faire, c'est en Normandie, fais-le. Et à vélo, c'est la révolution. Il s'inspire de Coppi qui avait déjà inventé un phrasé, un style sur le vélo, avec une maniaquerie dans l'habillement. Mais alors, Anquetil le pousse à bout, ce truc-là. C'est-à-dire que lui, c'est le moment jamais égalé d'une osmose totale entre la position, la puissance musculaire et la disposition des mécaniques du vélo. Et il invente un phrasé incroyable. Alors il gagne donc le Grand Prix des Nations à 19 ans, vous l'avez dit, et vous écrivez, vous, Anquetil a 10 ans d'avance sur son destin et 10 minutes de marge sur ses adversaires. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il fallait, pour arriver à maturité, avoir beaucoup plus que 19 ans. 19 ans ? Oui, parce que les courses étaient beaucoup plus dures, sur des routes bien pires. La diététique était catastrophique. Et Anquetil, c'était un écrivain dans la mesure où il n'attendait pas de subir les aléas de la course pour savoir s'il allait gagner. Et il ne s'adaptait pas aux conditions. Il écrivait sa course à l'avance. Et toutes ses courses sont le déroulé d'une écriture prévisionnelle. Et donc, il réalisait ses rêves. J'ai écrit ça. C'est-à-dire qu'il a écrit ses rêves et il les a réalisés. Alors ça a été complètement nouveau. Et il faut reconnaître qu'il y a eu des très très grands champions après, mais cette façon de s'écrire et de calculer sa légende de façon autonome, pour un sportif, c'est très rare. Zidane est quelqu'un qui a fait ça, parce qu'il a eu des gestes très symboliques, mais Anquetil, c'était magnifique parce que... Vous l'avez rencontré, je crois, un an avant sa mort. Oui, Lanctil, je l'ai vu, il avait des petites bottines blanches comme George Roy Orbison, les cheveux en arrière. Alors moi, j'avais le chauffeur de l'équipe qui était un vieux de la vieille, je lui dis, mais il s'appelait Jean-Christian, je lui dis, mais pourquoi il a toujours des bottines blanches? Ah, il me dit, Bordas, comme t'es naïf. Alors c'était, en fait, à l'époque, hein, c'était toujours les mecs accros, dans une bottine un petit peu d'alcool, et dans l'autre, peut-être des enfêtes ou des trucs comme ça. C'était une provoque. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'était pour dire l'état d'esprit. Philippe Bordas, vous avez dit que Anquetil avait voulu inventer une nouvelle sorte d'aristocratie. Et dans le livre, je vous cite, vous parlez de son rapport à son propre vélo. Louis de Bruyckaert, écrivez-vous, le mécano, s'approchait en maître d'armes, un doigt sous la selle, un autre sur la potence. Sous la potence, Anquetil recevait la machine comme on reçoit l'épée. Alors, vous décrivez la machine, il y a des termes que je comprends pas, vous allez m'expliquer. Cadre en tube d'acier 3 dixièmes, roue nisée à 24 rayons ligaturés et soudés, boyau de soie d'ourdoigne à 190 grammes, allégé du ruban intérieur, collé à la gomme laque et gonflé à l'hélium moins lourd que l'air, quelques minutes avant le départ. Anquetil n'avait plus qu'à vérifier le bon crantage des cheveux. Ouais, c'est ça. C'est en effet une situation, le vélo remplace le cheval. Totalement. Et les grands cavaliers ne vont pas partir à la guerre si le cheval n'a pas été bien brossé et bien nourri. Il y a toute une équation. Bon, tous les sportifs qui ont un lien avec la machine, que ce soit les sports automobiles ou les skieurs, il y a toujours ça. Alors, vous avez travaillé à l'équipe, je crois, vous l'avez dit tout à l'heure, Philippe Bordas. Quelques temps. Vous avez travaillé avec celui que vous appelez le Michelet des pelotons, ouais. Et que vous avez déjà cité, Pierre Chani, qui disait « la part du cœur se réduit ouais, ». Est-ce que c'est le même diagnostic que celui que vous faites aujourd'hui? Oui, Pierre Chani avait dit ça à l'époque parce que c'était sous le règne de Bernard Hinault, que j'aimais bien, mais qui était... c'était un brutaliste, quoi. Il brutalisait sa machine, il parlait un peu de façon agressive, c'était pas du... Lui, il avait aucun rêve aristocratique, parce que Frostocopy, Louison Bobet, Jacques Anquetil, c'est des gens qui se sont cultivés peu à peu, qui ont acheté des manoirs. Alors, je dis pas que acheter un manoir, c'est une preuve d'aristocratie, mais c'était une façon d'être. Et il y avait une beauté. Alors Chani a été très déçu par l'espèce de brutalisme, le recours à la force brute d'Hinault. Et c'est vrai que ça a été le début d'un nouveau cyclisme. Hinault était extraordinaire parce que c'était une sorte d'assassin sur un vélo. Et on se serait cru dans un film policier. Avant la course, moi j'étais assez pote avec lui. Il disait ça, je vais faire ça, ça, ça. Enfin, en gros. Je vais le tuer, quoi. Et c'était vraiment impressionnant. Et quand j'ai parlé de lui à d'autres coureurs, il me disait, de toute façon, Hinault, il avait qu'une balle dans le barillet, c'était la bonne. Et il me citait le nom de plein de champions qui avaient été tués par Hinault, symboliquement. Par exemple, Gianfranco Contini, un champion italien, un petit faux plat montant à tel endroit, il a voulu défier Hinault. Hinault a fait un truc sur son vélo d'une telle force que le gars a compris que sa carrière était carbonisée. Et il a tué des mecs sur place symboliquement. Alors ça, c'est une décadence, parce que ce n'était pas le langage chevaleresque qu'avaient eu Copy et Anquetil, vous voyez. Mon chapitre préféré dans votre livre, Philippe Bordas, c'est l'art de grimper, je ne sais pas pour quelle raison. Mais vous écrivez cette phrase qui mérite, à mon avis, quelques explications de votre part. Vous dites « Les grimpeurs sont les seuls cyclistes qui satisfassent philosophiquement aux conditions de la proposition vraie ». Ça veut dire qu'on ne peut pas tricher quand on est grimpeur ? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous avez donné l'expression « avoir de la laine sous les ongles ». Le sprinter, c'est l'homme de la société de masse. C'est l'insecte de la fourmilière qui va s'accrocher, bousculer les autres pour s'en sortir. Le grimpeur, c'est celui qui s'extrait du groupe. Donc, c'est soit un anarchiste, soit un aristocrate. Et le grimpeur ne peut pas tricher. Quand on grimpe, on ne peut pas être protégé du vent par quelqu'un qui est devant parce qu'on ne va pas assez vite pour que l'aérodynamique soit efficace. Je me suis senti toujours physiquement plutôt grimpeur, enfin à mon modeste niveau. Et c'est vrai que les gens regardent la télévision pas pour voir un sprinter. Les gens comprennent très bien que l'essence du cyclisme, c'est la montagne. Je suis d'accord avec vous, il faut monter, mais donc il faut descendre. Et vous citez l'exemple, Philippe Bordas, de Lucien Aymar, qui, paraît-il, descendait mieux que tout le monde, qui est toujours vivant, il a 82 ans, je crois. Et vous lui consacrez donc un chapitre avec un paragraphe qui, lui aussi, demande quelques explications, je me permets de le lire. Lucien Aymar ne gonflait pas ses boyaux à 6,8 kilos comme il était d'usage. Il gonflait le boyau avant à 6,5 et le boyau arrière à 7. Il pénétrait le virage en bourbon, ça veut dire quoi ça ? Fort d'une mollesse supérieure. Il s'extrayait en danseuse avec la magnitude du boulet. Il se calait sur un braquet médian de 52,15, efficace pour achever la course avec nerf. Ce prince tempéré redoutait la pesanteur du 52,14, l'affolement du 52,16 l'indisposait. Alors, en bourbon, Lucien Aymar, très très sympa, mais c'est un gars qui avait... C'est un mec du Sud, qui a toujours aimé manger. Alors lui, il avait pas les abdos apparents, il avait un petit ventre. C'était une sorte de régent, de la famille, ou un bourbon qui sortait de table, qui montait sur le vélo, et qui était un descendeur absolument génial. Et il a fait un jour un exploit, il a quand même descendu, les motards l'ont doublé dans la descente du Ventoux, les motards l'ont doublé en roulant à 140, donc il était à 130. Il faut imaginer ce que c'est sur un vélo 130 à l'heure, surtout à l'époque. Hein. Alors il y a un autre personnage que vous évoquez, à qui vous consacrez un chapitre entier, c'est Roger de Vlaminck, qu'on a aussi appelé Monsieur Paris-Roubaix, il l'a gagné quatre fois. Et vous dites, et l'expression m'intrigue, c'était un Keith Richards avec du mollet. Ah oui. Bah, c'est-à-dire que, alors quand on a passé l'époque un peu des princes, des princes de conte, des copies, des bobés, des Jacques Anquetil, on rentre dans l'ère moderne qui est celle du rock. Donc là, c'est le moment où les coureurs ont des chevelures extravagantes. Et les favoris, ils ont des tempes coupées comme des yatagans avec des lames. Les favoris descendent très bas. Et ils ont un comportement arrogant à la Keith Richards. Ils ont des façons d'être qui sont rock. Alors là, c'est complètement nouveau. Mais ça a été une époque, ça a été pareil dans le foot avec Georges Best, ce genre de champion. Mais bon, moi j'ai aimé de Vlaminck, pour être franc, parce que c'était un artiste extraordinaire pour se préparer à passer les pavés. Là, je parlais de l'équation du corps et de la machine. Tout ça, si vous le faites sur une route rectiligne, vous pouvez avoir une magnificence et une belle harmonie entre la machine et l'homme. Sauf que quand vous arrivez à 50 à l'heure sur un secteur pavé, de pavés disjoints, qui sont là depuis 3 siècles et qui ont subi tout le charroi des paysans avec les betteraves, votre joli style, il va se décomposer, vous pouvez même vous retourner. Et le truc incroyable, c'est que de Vlaminck, alors lui, il sous-gonflait les boyaux, mais les boyaux, il les faisait préparer par d'autres personnes en Italie ou en France. Mais lui, il avait une position totalement couchée sur le vélo. Il ne perçait jamais et il arrivait à voir à 20 mètres dans quel flaque il fallait pas passer, etc. Et il y a certains coureurs qui savaient qu'ils n'avaient aucune chance dans Paris-Roubaix parce que c'était une œuvre d'art ce que faisait de Vlaminck. Ils se battaient pour rester dans la route Paris-Roubaix comme devant une scène de cinéma pour voir le plus longtemps possible ce qu'il faisait. Et ça, c'est resté un mystère. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas imité, alors ? Ah ben, personne n'a su l'imiter parce qu'il avait des... Il n'y en a qu'un aujourd'hui qui l'imite, qui est d'ailleurs le plus beau coureur actuellement, c'est Mathieu Van Der Poel. Si les gens écoutent, là, si c'est moins... Soit il y a des intellos de France Culture, soit il y a des vrais cyclistes, ou les deux. Donc là, le plus beau aujourd'hui, c'est Mathieu Van Der Poel. Qu'est-ce que vous appelez, Philippe Bordas, l'amicale des frelons ? Alors oui, alors dans les courses disparues, qui faisaient peur, qui étaient difficiles et qui fascinaient le peuple, il y avait ce qu'on appelait la course qui tue. C'était pas Paris-Brest-Paris, c'était Bordeaux-Paris. Les coureurs partaient à 1h du matin de Bordeaux et devaient rallier Paris sans arrêt. Et ils roulaient d'abord dans la nuit tout seuls à vélo, tout en mitouflés, en se frottant les uns contre les autres à une vitesse moyenne. Et à Poitiers, au petit matin, ils devaient se caler derrière des motards pour arriver à Paris à une grosse vitesse en prenant l'aspiration des motos. Sauf que ces motards, pour bien protéger les coureurs, c'était des gars choisis pour leur énormité physique. Et quand je dis énormité, c'était des fûts, les gars. C'était même pas des athlètes, c'était des gars qui étaient choisis pour leur capacité, en roulant, à écarter les jambes, les bras, écarter les pieds, pour faire un mur, pour que le coureur derrière roule à 70 à l'heure sans rien sentir. Alors évidemment, c'était des petites, on appelait ça les derniers, c'était des vélos-motos, ils devaient pédaler, mais alors le bruit de ces petites motos, c'était celui des frelons. Et les gars étaient des escrocs patentés, c'est-à-dire que dès que les commissaires de course étaient partis, pour bloquer le coureur, ils mettaient de la paille et dans les poches ou des clés à molette pour lester les poches. Ils achetaient des chaussures en taille 48 avec des jambières. Et ils avaient même acheté aux pilotes de chasse américains des gilets de survie May West parce que ça gonflait comme une poitrine de pin-up. Et dès que les commissaires étaient partis, il y en avait même un qui avait acheté une carapace, une armure qui s'ouvrait à deux battants à pleine vitesse du poitrail. Bon, Philippe Bordas, on comprend à vous écouter que c'est un plaisir de vous lire par ailleurs, mais il y a une phrase dans votre livre qui m'a laissé perplexe. Vous dites « Le vélo permet de sortir le corps, esprit et jambes, du désert malarméen ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Là, je reviens un peu à cette époque où Nietzsche énonce la mort de Dieu, et où Mallarmé se fait des vapeurs sur la page blanche. Il y a eu une grande théorisation du vide, d'un refermement de la littérature sur soi, et aussi du citoyen sur soi, parce que c'est le moment où Rimbaud fuit, il voit que la situation sociale pour les pauvres est intenable, et que même le langage est fort clos, il se passe quelque chose de très difficile. Donc oui, ça correspond à ce moment-là. Mais vous parlez essentiellement des champions, de ceux qui vous fascinent et dont vous regrettez la disparition. Mais vous parlez assez peu du plaisir de pédaler, du plaisir simple de pédaler en dehors de tout esprit de compétition. Il y en a un qui l'a très bien dit, c'est Albert Einstein. Il a beaucoup fait de vélo, vous savez. Il écrit « Jamais je n'ai vu plus beau là-haut le soleil. En nous la paix, tous les cœurs étaient en extase et moi je n'avais pas scrupule à pédaler comme un bienheureux. » Oui, bah ça c'est la vérité évidente. Moi, j'adore faire du vélo. Disons que quand on doit rouler très vite, la question de la béatitude passe après la souffrance, hein, quand même. Alors, pour finir, à propos du lien entre, disons, le vélo et le langage, avec la langue, vous critiquez le parler télévisuel, donc vous dites qu'il a participé à la mort du cyclisme que vous aimez. Vous écrivez « Le cyclisme a survécu dans les proses de couleur, allant à la cocarde, allant au fropopu, flânant à deux idées. Il s'y pratiquait un français non pollué, hors du temps, fiancé aux tournures acides de l'usine et du champ, un parler suspendu, la sous-parlure télévisuelle à la dénaturer. Les journaux sportifs, acquiesçant cette dénaturation, nourrissent leurs lecteurs de prose diminuée. Ils parlent la langue vitrifiée, linéaire des télévisions. Ce sont de fervents adeptes de la bloomisation, la réduction de l'humain à sa gastricité. » Voilà. C'est quand même très sévère. Oui, la télévision opère une manducation, c'est-à-dire qu'on donne à digérer des choses assez sucrées, de petite taille, et on paye en plus cher, puisque tout est payant, ce sont des chaînes payantes, mais on n'a pas un repas complet. Il y a le grand cyclisme est une délectation, là c'est plus le cas. Vous avez écrit, après Forcené, vous avez écrit d'autres livres, Philippe Bordas, notamment « Chant furieux » et « Le célibataire absolu », paru tous les deux chez Gallimard. Et tous vos personnages font du vélo. Je n'ai pas tellement d'imagination, je transpose ce que j'ai vécu. Et du coup, le personnage récurrent, c'est un double de ma pauvre personne. Et qui fait tout à vélo. Alors on va dire, change de machine, tu peux pas t'acheter une voiture. Non, tout le héros des bouquins, à chaque fois, c'est plus ou moins moi, mais il est à vélo. Mais personne n'est choqué que dans Giono ou dans Stendhal, je me compare pas à eux, mais le héros soit tout le temps à cheval. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais à une époque, le narrateur est à cheval, Don Quichotte est à cheval. C'est le seul moyen de locomotion, à part la marche à pied. Et en plus, moi je me sens protégé du monde moderne, je me sens en retrait de ce monde-là, et ça me permet c'est une dérision chevaleresque. Non mais je vous ai vu arriver à la maison de la radio à vélo, vous auriez pu prendre le métro ou un bus. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le vélo retrouve la sublimité que vous lui trouviez dans son passé ? Le vélo peut continuer à intéresser comme ça par bribes, mais il faut voir que tout n'est pas éternel. Je compare le cyclisme à la littérature, mais la tragédie classique, l'épopée versifiée ont disparu. On ne s'accroche pas à ça. Ce que j'appelle cyclisme est sans doute un genre périmé, destiné comme le roman ou d'autres genres à se réinventer autrement. Moi, je considère que le cyclisme, tel que je l'ai écrit dans Forcené et qu'on l'a tous vécu plus ou moins, est terminé. Ce qu'on a maintenant sous les yeux, c'est autre chose. Mais c'est un autre genre. Il va falloir le définir. Et il ne sera pas lié à l'écriture. Il se ralliait au système de numérique, aux façons de percevoir, de regarder le spectacle, de s'agir soi-même, de se comporter dans le paysage. Il y a une réinvention stylistique à faire, un nouveau genre à inventer, mais c'est pas le cyclisme, c'est autre chose. Est-ce que, par exemple, l'intelligence artificielle s'intéresse au vélo, à la stratégie des courses? Est-ce que, comme dans d'autres sports, notamment collectifs, le rugby ou autre, on analyse avec des algorithmes la stratégie, le jeu des autres équipes? Ça, je sais pas au niveau de la stratégie. Je sais que tous les moyens ultra-modernes sur la nutrition, l'aérodynamique, le calcul des forces, le positionnement musculaire, la récupération avec... on se met dans des bains froids, la etc. diététique. Ouais, tout ça est arrivé à un niveau extraordinaire. Et vous ne parlez pas dans votre livre du cyclisme sur piste? Vous parlez que de la route? Je parle un peu du cyclisme sur piste dans l'art de sprinter, parce que... Mais non, en fait, mon livre avait un aspect social, et je voulais montrer le choc de ces petits paysans et de ces ouvriers qui, d'un seul coup, prenaient un vélo, faisaient le Tour de France, et faisaient des exploits dans une nature vierge pour eux. Alors que le cyclisme sur piste, c'est dans un monde clos. C'était pas du tout la perception populaire et sociale que je voulais donner, et surtout la perception épique et picaresque. Alors justement, à propos des pics, je reviens en Kiel, qui est le sujet de votre premier chapitre. Vous dites qu'il a accompli l'exploit absolu, c'est-à-dire qu'il a enchaîné le Dauphiné libéré. Ouais. C'est une course de 8 jours, ouais. 2000 km. Et puis le soir même de l'arrivée, il a pris l'avion pour Bordeaux. Il a fait la course Bordeaux-Paris qu'il a gagnée. Voilà, la course. Donc 500 km, 600 km. Ouais, 570. Ouais. 570 km. Est-ce qu'il était dans quel état est-ce qu'il est arrivé? Mais là, états est-il passé? Et est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait reproduire aujourd'hui? Aujourd'hui, ça pourrait se refaire. Ce qui se passait, c'est quand il était trop froid, il n'avait pas une popularité comme Poulidor. Donc cet exploit qui a fait qu'il est devenu ultra populaire a été écrit à l'avance par le dernier grand écrivain du cyclisme, qui n'est pas un prosateur ni un académicien, qui est Raphaël Geminiani, que je salue, qui a 98 ans, qui est à Clermont-Ferrand. Il a décidé il a écrit un exploit que devait réaliser Anquetil. Il a dû gagner le Dauphiné libéré alors qu'il avait un point d'angine, qu'il était malade. Il a battu Poulidor. Il était dans un état cadavérique. Le temps a été horrible. Et arrivé, je ne sais plus si c'était à Nice, il avait appelé le général de Gaulle, vous voyez le truc où même la politique se mêlait de ça. Le général de Gaulle avait affrété un avion qui a amené Anquetil jusqu'à Bordeaux. Anquetil a mangé pendant une heure, s'est reposé, et il est parti dans la nuit, et il a voulu abandonner. Et Raphaël Geminiani, qui avait écrit le livre de cet exploit, l'a sorti de la voiture, l'a insulté. Mais elle lui a dit des choses qui aujourd'hui vaudraient un procès. Hein. Il a dit « t'es qu'une lope » ou des choses comme ça. « Sors, sinon t'es une merde, je te parle plus ». Et Anquetil, totalement zombifié, remonté sur le vélo. Et dans la vallée de Chevreuse, tous les Parisiens avaient entendu à la radio qu'ils ne savaient pas si Anquetil allait survivre et faire cet exploit. Donc le livre qui avait été écrit par Geminiani, les Français voulaient avoir la fin. Et sur toute la vallée de Chevreuse, au garde à vous, il y avait tous les Parisiens, les fans de vélo, qui formaient une double haie. Et Anquetil a réussi à partir dans la côte de Châteaufort et est arrivé en larmes. Il y a sa statue au sommet de la côte. Voilà, voilà. Et mais... il a sa statue. Mais c'est surtout que ça a été un exploit écrit. Merci Philippe Bordas, on arrive presque à la fin de l'émission. Pour paraphraser Michel Audiard, les gens qui parlent de vélo ne nous ennuient pas, surtout quand ils en parlent bien. Tout de suite, nous allons retrouver Alexandra Delbo pour sa chronique Avec Science. Comment les nourrissons apprennent-ils à se servir d'outils? Imaginez un bébé avec un petit marteau coloré qui tape sur tout ce qui bouge ou qui se sert de ses mains pour tenter de faire rentrer un rond dans un carré ou l'inverse. Les mains ou le marteau sont des outils qui servent à faire quelque chose. Le marteau tape, les mains poussent. On comprend facilement la causalité de l'action. Pour le bébé comme pour les adultes, c'est simple. Seulement, avec l'essor des nouvelles technologies, nous sommes désormais entourés d'outils qu'on dit opaques. Vous en avez probablement un dans votre poche ou à portée de main, par exemple, le téléphone est un outil opaque, car pour la grande majorité d'entre nous, on ne comprend pas grand-chose à leur fonctionnement. Jean-Rémy Hochmann est directeur de recherche CNRS à l'Institut de sciences cognitives Marc Jeanneret de l'Université Claude Bernard à Bron. Quelqu'un qui invente un outil, il va devoir réfléchir sur le mécanisme qui lie l'utilisation de l'outil et l'effet final obtenu. Donc une des questions qu'on peut se poser, c'est si c'est aussi vrai quand on observe l'utilisation d'un outil, si on va aussi raisonner sur ce mécanisme. Et quand on pense à la technologie moderne, quelque chose de fascinant, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, la plupart d'entre nous n'a aucune compréhension du détail de ce mécanisme causal. Donc, quand on appuie sur un écran ou quand on appuie sur une télécommande, il peut se passer maintenant n'importe quoi. On peut lancer de la musique, on peut faire apparaître une grand-mère sur l'écran, on peut créer une explosion. Et on ne sait pas vraiment ce qui se cache derrière le mécanisme qui lie donc le bouton qu'on appuie et l'effet obtenu. Donc c'est ça qu'on appelle en fait l'opacité causale. C'est cette invisibilité du mécanisme causal qui va lier l'utilisation de l'outil et l'effet obtenu. Alors deux questions se posent chez les bébés. D'abord, à quel âge se développe la notion d'outil ? Après avoir commencé à les manipuler, donc autour d'un an, ou alors avant, simplement en regardant les autres faire ? Et seconde question, comment réagissent les bébés à un outil opaque, c'est-à-dire sans causalité apparente ? Autrement dit, est-ce que ça les surprend ou est-ce qu'ils s'y attendent ? Pour répondre à ces questions, cette étude a fait appel à des volontaires en couche-culotte, recrutés très tôt puisque ces nourrissons n'ont que 8 mois. À cet âge-là, ils agrippent, frappent, secouent et renversent des objets, mais ils ne s'en servent pas encore d'outils. Pour tester leur réaction, les scientifiques leur ont fait regarder 4 petits films de quelques secondes à peine. Il s'agit soit d'un petit bonhomme qui marche, pousse une balle, qui entre en collision avec une boîte, et celle-ci change de couleur au moment de la collision. C'est causal, mais indirect, donc un petit peu opaque. Deuxième déroulement possible, le bonhomme pousse la balle sans qu'elle ne touche jamais la boîte, mais elle va tout de même changer de couleur. Cette fois, c'est une action un petit peu magique, sans cause apparente. Et dans les films 3 et 4, il n'y a plus de bonhomme, mais une autre balle. Et pour comprendre ce que pensent les nourrissons en regardant les films, ces scientifiques ont mesuré la dilatation de leurs pupilles. Et ça, que ce soit chez l'enfant, l'adulte ou les animaux, c'est pareil, cela permet de lire la surprise dans leurs yeux. Résultat, les nourrissons comprennent très bien la notion d'outil et de causalité. Donc on observe une dilatation de la pupille dans le deuxième cas, donc lorsque la balle s'arrête avant de toucher la boîte. Et ça suggère que les bébés sont surpris par l'absence de contact entre la balle et la boîte. Donc si on prend les choses dans l'autre sens, ça veut dire qu'ils s'attendaient à un contact entre la balle et la boîte, et donc qu'ils pensent que c'est la balle qui va causer le changement de couleur de la boîte. Donc ça, c'est la première chose. Mais surtout, le deuxième résultat, c'est que on montre que ces effets-là disparaissent si on remplace le bonhomme qui, au départ, lançait la balle, poussait la balle, si on le remplace par autre chose, par exemple, une autre balle. Donc si maintenant, on a une balle qui pousse la deuxième balle, qui ensuite va à la boîte. Et donc, ce résultat, il est très important parce qu'il montre que pour les bébés, c'est le bonhomme, en fait, qui est véritablement la cause du changement de couleur. Autrement dit, les bébés pensent que c'est le bonhomme qui va causer le changement de couleur avec la balle. Il va agir sur la boîte au moyen de la balle, c'est-à-dire au moyen d'un outil. Les nourrissons sont surpris d'une action magique à distance quand il y a un bonhomme, mais pas quand c'est un objet inanimé. Cela signifie qu'ils comprennent la notion d'outil avant de pouvoir en parler et avant de pouvoir les utiliser. Et ça veut dire également que l'apprentissage ne se fait pas nécessairement par l'expérience. Et deuxième apport de cette étude parue dans PNAS, les mécanismes opaques ne sont pas un problème pour eux. Et c'est ce qui pourrait expliquer leur compréhension extrêmement rapide des nouvelles technologies. La suite de ces travaux, c'est de comprendre les limites des effets des outils dans l'esprit des bébés et puis plus largement de comprendre l'usage des outils chez les animaux, notamment d'autres primates, pour voir s'il s'agit d'un caractère purement humain ou non. Merci Alexandra Debo, merci à vous Philippe Bordas. Merci à vous. Je recommande la lecture de votre livre Forcené ainsi que celle de Champ Furieux et du Célibataire Absolu. De quoi parlera le prochain livre ? On parlera de la disparition, c'est un livre assez drôle sur la disparition de la vraie grande langue populaire de Paris. Vu que tous les pauvres ont été exclus de la ville. Merci à vous, c'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Marie-Claire Oumabadi et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.